Le Québec est une société corrompue et dictatoriale qui pousse le raffinement à faire croire qu'elle ne l'est pas. Imaginez un instant que André Boisclair, le cocaïne guy du Parti québécois, serait libéral. Pensez-vous qu'il aurait eu droit au mamour de l'équipe de Guilla Lecave dimanche soir? Non. Pensez-vous qu'il aurait droit à un éditorial de Franco Nuovo dans le Journal de Québec qui dit que c'est pas grave, ça fait longtemps, faut y donner une chance? Non. Pensez-vous qu'il aurait droit à l'éditorial du Soleil qui dit « Il a avoué, faute pardonnée » Non. Non, non, non, non, non, non. Non. Il serait au bat. Il serait au poteau. Il serait fusillé. Ce gars-là, dans ses contacts avec la cocaïne, est entré en commerce avec des gens du crime organisé. Comment peut-il être? Moi, je dis pas qu'il faut l'empêcher de gagner sa vie. Il faut lui poser les vraies questions et exiger des réponses, pas la semaine d'après, quand il a eu le temps de taponner une histoire, tout de suite. Le voyage à Boston, où il n'apparaît aucunement à Harvard, c'était pourquoi, M. Boisclair? Est-ce que c'était une cure de désintoxication? C'est ça la rumeur. Votre diplôme de Harvard, voulez-vous le montrer à quelqu'un? Est-ce que c'est vrai que votre seul diplôme, c'est un secondaire 5? Pas une bonne question, ça? Parce que le gars, s'il a pris de la cocaïne, il est probablement un gars qui a passé toute une partie de sa vie à compter des menteries. Rappelez-vous Jean-François Bertrand? Ben non, il faut arrêter. C'est pas grave, c'est un péquiste. Si c'est un péquiste, on peut pas l'attaquer, ça va nuire à la cause. Si on nuit à la cause, ça sera pas correct, les amis seront pas contents. Pensez-y un instant, vous fermez les yeux. Bulletin spécial, André Boisclair est un fédéraliste. Crissez ça dehors, ce gars de cocaïne-là. On vient de découvrir qu'André Boisclair était membre du conseil du patronat. Jetez ça dehors, ce pothead-là. André Boisclair, c'est un péquiste. C'est un syndicaliste. Il est correct. Ce qui m'amuse aussi, c'est que un des refrains des journalistes pour ne pas regarder André Boisclair pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pauvre type qui essaye de s'en sortir, mais qui a une ambition nécessaire à son image, c'est que ils disent tous la même chose. Ils le disent dans tous les journaux, ils le disent dans toutes les TV, ils le disent dans toutes les radios, c'est « il y en a d'autres qui font pas mieux ». Il y a d'autres frasques à l'Assemblée nationale. On parle pas de Parizeau qui était toujours sous et le drôleté de l'affaire, c'est ouais, ben pourquoi t'en parles pas? Si les journalistes à l'Assemblée nationale savent qui d'autre prend de la cocaïne, qui d'autre sort avec des prostituées juvéniles, qui d'autre est toujours sous, qui d'autre, pourquoi ils disent pas? L'excuse pour pas être sévère avec André Boisclair, c'est qu'il y en a des aussi pires que lui. Nommez-les! Dites-nous quoi? Dites-nous pour qui on vote une fois de temps en temps. Ça ferait du bien de le savoir. La tradition chez les journalistes de Québec, c'est de considérer que les politiciens sont le chum, surtout s'ils sont péquistes, et de les protéger. Jean-François Bertrand, les journalistes savaient que c'était un cocaïnomane. Les journalistes savaient que c'était un homosexuel clandestin. Les journalistes savaient que c'était probablement un pédophile. Ils l'ont jamais dit. Qu'est-ce qu'on sait des autres politiciens qu'on dit pas? On revient toujours à Bourassa en laissant croire qu'il est allé aux États-Unis faire soigner son sida. Moi, j'ai pas de preuve que Bourassa avait le sida, et les gens qui m'ont dit ça me l'ont dit d'une façon peu convaincante. Mais on sait tous que Robert Bourassa est un homosexuel clandestin qui, comme tous les homosexuels clandestins de la Haute-Ville de Québec, ont une femme à la maison avec des enfants puis un serin dans un appartement. Mon problème, c'est pas que je suis contre les homosexuels au pouvoir, je suis contre les menteurs au pouvoir. Et un homosexuel, ça peut être un menteur. Ça peut aussi être un honnête homme, une honnête femme. Juste ça. Pour le reste, ça m'arrive de sourire. Quand je vois deux gars s'embrasser puis se caresser les amygdales avec le bout de la langue, je me dis, pas drôle, hein? Mais moi, je suis vieux. Peut-être que si j'étais né plus tard, mais on peut pas blâmer quelqu'un pour la date de sa naissance. Imaginez un instant qu'André Boisclair soit fédéraliste, libéral, capitaliste. Venez me dire en pleine face, ensuite, qu'il aurait le même traitement qu'il reçoit présentement de ses amis journalistes, c'est-à-dire, tout est correct.